Chapitre 5. On se souvient peut-être que non loin du séjour souterrain aménagé par les anciens Atlantes en prévision de la catastrophe qui menaçait leur pays, se trouvent les ruines de la grande cité dont avait fait partie leur résidence actuelle. J'ai compté comment on nous avait mené les voir et quelles émotions nous avaient causé cette visite. Aucun mot ne saurait rendre l'effet de ces ruines colossales, de ces énormes piliers sculptés, de ces bâtisses démesurées, nues et silencieuses, dans la grise lueur phosphorescente des abîmes et destituées de tout mouvement, sauf l'agitation lente des hautes herbes sous la poussée des courants sous-marins et la fuite des grands poissons traversant comme des ombres l'ouverture des portes ou tournant et retournant au milieu des appartements dégarnis. Nous avions fait de ces lieux un des buts favoris de nos excursions. Sous la conduite de notre ami Manda, nous y passions des heures à en étudier l'étrange architecture, à y relever tous les autres vestiges de cette civilisation évanouie qui, sous le rapport des acquisitions matérielles, se manifestait encore à nous comme fort en avance sur la nôtre. Je dis sous le rapport des acquisitions matérielles. C'est que nous eûmes bientôt la preuve que, sous le rapport spirituel, elle était fort loin de la nôtre. La leçon à tirer de son élévation et de sa chute, c'est que le plus grave danger où s'expose un état est de laisser son intelligence prendre le pas sur son âme. La civilisation atlante en est morte, la nôtre pourrait en périr. Nous avions remarqué dans un endroit de la cité une construction très importante qui avait dû se dresser au sommet d'une colline, car il dominait encore sensiblement le niveau général. On y accédait par un large escalier de marbre noir. La majeure partie de l'édifice était au surplus faite de ce même marbre, mais à peu près enfouie sous d'horribles fongosités jaunâtres dont la masse charnue et lépreuse pendait de tous les ressauts de toutes les corniches. Au-dessus de la porte principale se voyait, sculptée aussi en marbre noir, une tête coiffée de serpents comme celle d'une gorgone, et le même symbole se répétait çà et là sur les murs. Nous avions à plusieurs reprises marqué le désir de visiter le sinistre édifice, mais chaque fois notre ami Manda s'en était ému, jusqu'à user d'une mimique effrénée pour nous supplier de n'en rien faire. Évidemment, tant que nous serions en sa compagnie, nous ne pourrions satisfaire une curiosité qui cependant nous pressait d'arracher son secret à ce lieu apparemment funeste. Nous nous consultâmes un moment à ce sujet, Bill Scanlan et moi. « À mon avis, patron, il y a quelque chose que le bonhomme ne veut pas nous laisser voir. Et plus il tient à le garder caché, plus j'ai envie de le connaître. Nous n'avons ni vous ni moi besoin de guide. Je présume que nous pouvons, tout comme le premier venu, revêtir une enveloppe de verre et passer la porte. Allons-y. En effet, pourquoi n'irions-nous pas ? Dis-je. Je ne me sentais pas moins intrigué que Scanlan. Y feriez-vous quelque objection, monsieur ? Ajoutai-je à l'adresse du professeur qui, sur ses entrefaites, était entré dans la chambre. Peut-être auriez-vous plaisir à scruter avec nous dans ces retraits mystérieux le palais de marbre noir. Il n'y aurait, me répondit-il, rien d'étonnant à ce que ce palais fût celui de la magie noire. Avez-vous jamais entendu parler du Seigneur à la sombre face ? Je confessais que non. Ai-je mentionné ce détail que le professeur avait, dans le monde entier, une réputation de spécialiste en matière de religion comparée et de croyances primitives ? La lointaine Atlantis elle-même n'était pas hors d'atteinte pour s'en savoir. Les notions que nous possédons sur les conditions de la vie atlante nous sont venues principalement par la voie de l'Égypte. C'est ce qu'ont appris à Solon les prêtres du temple de Saïs, qui constitue le noyau solide autour duquel, vrai ou fictif, s'est agrégé tout le reste. Et, dit Scanlan, quelles histoires racontaient-ils ces prêtres-là? Ma foi, ils en comptaient un fort grand nombre. En particulier, ils nous ont transmis la légende du Seigneur à la sombre face. Je ne puis m'empêcher de croire qu'il règne encore au palais de marbre noir. D'aucuns prétendent qu'il y eut plusieurs seigneurs à la sombre face. On en a signalé au moins. Quel genre de numéro était-ce? D'après tous les renseignements qu'on a, c'était plus qu'un homme, et par la puissance et par la perversité. C'est pour cela même, à cause de la corruption engendrée par lui dans le peuple, que la nation entière fut anéantie. Et le mien, ajouta Scanlan, comme Sodome et Gomorre. « Exactement. Il semble qu'il y ait un point où certaines choses deviennent impossibles. La nature est à bout de patience, elle n'a plus qu'à biffer son œuvre pour la reprendre. Cet être dont nous parlons, à peine digne du nom d'homme, avait trafiqué des arts sacrilèges. Il avait acquis des pouvoirs magiques très étendus qu'il tournait à des fins mauvaises. Telle est la légende du seigneur à la sombre face. Il expliquerait pourquoi sa maison est toujours en horreur à nos pauvres amis et pourquoi il redoute de s'y introduire. « Ce qui redouble mon désir de la visiter, » m'écriai-je. « Je conviens qu'il m'intéresserait de la parcourir, » dit le professeur. « Je ne vois pas ce qu'aurait de fâcheux pour nos amis une petite expédition faite sans eux, puisqu'un préjugé superstitieux nous rend leur concours difficile. Profitons de la première occasion qui se présentera. » L'occasion mit quelque temps à se présenter, car notre petite communauté se mouvait dans un cercle si restreint que la vie privée n'y existait pour ainsi dire pas. Un matin, cependant, autant que nous pouvions juger du matin et du soir sur les données d'un calendrier bien sommaire, il se trouva qu'une cérémonie religieuse appelait au temple toute la population atlante. Comment ne pas utiliser une circonstance qui, en nous réduisant à nous-mêmes, favorisait si bien nos désirs? Nous nous assurâmes auprès des deux portiers chargés de manœuvrer les grandes pompes de l'entrée que tout était en ordre. Et bientôt, seuls tous trois sur le lit de l'océan, nous prîmes le chemin de l'ancienne cité. L'eau salée n'était pas un milieu propice à la marche, même une courte promenade est fatigante. Néanmoins, au bout d'une heure, nous arrivâmes devant la grande bâtisse morne qui excitait notre curiosité. Sans aucun guide amical pour nous retenir au seuil, sans la plus légère appréhension d'un risque, ayant gravi les degrés de marbre, nous franchîmes l'énorme portail de ce palais du mal. Il était en meilleur état de conservation que les autres édifices de la cité. La carapace de pierre en demeurait intacte. Le temps n'avait eu d'action que sur les meubles et les tentures pourries à la longue et disparues. Mais la nature avait apporté en retour ses propres tentures qui étaient des plus horribles. En ce lieu, dans le moins qu'on puisse dire, et qu'il y régnait une obscurité hideuse, funèbre, on voyait confusément se dessiner parmi les ombres les formes répugnantes de monstrueux polypes et d'étranges poissons contrefaits, semblables aux imaginations d'un cauchemar. Je m'en rappelle, entre autres, d'énormes limaces pourpres qui rampaient partout et de grands poissons noirs posés sur le sol comme des nattes qui allongeaient et secouaient au-dessus d'eux des tentacules aux pointes de flamme. Nous ne devions avancer qu'avec prudence, car tous les appartements foisonnaient de bêtes immondes, peut-être aussi venimeuses qu'elles en avaient l'air. Des couloirs richement ornementés menaient à de petites salles latérales, et tout le centre du bâtiment était occupé par une salle qui avait dû, au jour de sa splendeur, être une des plus admirables qu'eussent érigée des mains humaines. Dans la clarté vague qu'elle recevait, nous n'en distinguions pas le plafond, non plus que nous n'en mesurions du regard toute la superficie murale. Mais la lumière projetée devant nous par nos lampes électriques pendant que nous en faisions le tour, nous permit d'en apprécier les proportions grandioses et la merveilleuse décoration. Cette décoration, qui comprenait à la fois des statues et des sculptures de toutes sortes, témoignait d'un art souverain, mais aussi d'une inspiration ignoble. Tout ce que peuvent concevoir une cruauté sadique, une lubricité bestiale, tout ce que peut imaginer un monstrueux dévergondage de l'esprit, nous l'apercevions plus ou moins nettement à travers les ombres représentées autour de nous sur les murs. Si jamais le démon avait eu un temple voué à son culte, c'était celui-là. Et d'ailleurs, il n'y siégeait personne, car à l'une des extrémités de la salle, sur un trône de marbre rouge abrité par un dais dont le métal décoloré pouvait bien être de l'or, une divinité redoutable était assise, personnification même du mal, sourcilleuse implacable, modelée dans le même style que le bal de la colonie Atlante, mais infiniment plus étrange et plus répulsive. Elle fascinait par une attitude de force, d'énergie terrible et surhumaine. Debout, fixant sur elle le rayon de nos lampes, nous nous absorbions dans nos réflexions quand nous en fûmes tirés par l'incident le plus confondant, le plus incroyable. Derrière nous éclatait un rire humain, bruyant et sardonique.